7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bon dia à la planète et la familia. J'espère que vous allez bien du côté du Portugal où José qui nous écoute sur le net, il vient juste de se connecter. Salut José, il fait encore 32 degrés au Portugal. Bah oui, nous sur Orléans, il fait un petit peu frais ce matin, 15-16 degrés, ça va, c'est tolérable on va dire. On vous souhaite une très bonne matinée, une bonne semaine avec Radio Arc-en-Ciel jusqu'à 9h, Francky, pour vous accompagner au petit-déj, sous la douche, le réveil en beauté avec du son qui arrive et les Pulpos Disco Machine. Et puis du soleil aujourd'hui sur Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Bray ou encore la Chapelle Saint-Mémin. Des températures qui vont grimper jusqu'à 30 degrés. Je vous le dis en titre, le DJ allemand qui cartonne en ce moment, c'est Purple Disco Machine et vous l'adorez sur un arc-en-ciel. Voici Rise. Belle journée et bon réveil, 7h du matin. ça, du son dance, le dance floor sur Radio Arc-en-Ciel pour bien vous réveiller. Salut Lola qui est connectée du côté de Pithiviers, belle journée à toi. Bah merci Francky d'être là le matin, bah vous aussi qui allez au taf, 7h07 en direct. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. La météo. Et la météo pour aujourd'hui, le ciel est soleil. Ça fait du bien, quelques nuages quand même. Les températures sont plutôt agréables ce matin. 16 degrés du côté de Orléans, Pithiviers, La Chapelle, Saint-Mémin ou encore Olivet. Jusqu'à 30-31 degrés, ça va être une des semaines les plus chaudes. Ouais, ça va se calmer dès mardi, dès demain d'ailleurs. Le ciel va être gris, menaçant et pluvieux. Et ce week-end, malheureusement, est attendu de la pluie. Donc, ouais, pas terrible, mais assez chaud aujourd'hui dans l'ensemble. Du son qui arrive et vous l'adorez aussi avec Soul King sur les MNT sur la Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil sur la Arc-en-Ciel 96.2 FM. Du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Morena hasta el fin, porque vinimos a París y arriba para dormir.

7h09, c'est peut-être l'heure du café ce matin, du chocolat comme le dit l'artiste. Belle journée, bon réveil, bonne semaine. Si vous venez d'arriver sur l'arc-en-ciel 96.2 FM. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et ce matin, beaucoup d'invités à la Radio Arc-en-Ciel. Alors on aura au téléphone et en direct aussi. On va accueillir tout à l'heure Pascal des Nuits de Soleil. Ça va se passer le 3 septembre prochain, ce week-end, la 17e édition. Il sera dans nos studios pour nous parler de ce bel événement pyrotechnique du côté de La Motte-Beuvron. Un invité en or et qu'on accueillera tout à l'heure vers 8h, 8h15, 8h30. Plein d'invités au téléphone aussi. Sabine Guillien-Henrich qui sera au téléphone avec nous aux alentours de 8h, 8h10 pour nous parler justement de la reprise des Panthères, les handballeuses de Fleury, les Aubrais. La présidente Fleury Loiret Handball sera avec nous au téléphone pour nous parler justement du début de la saison, comment se passent les entraînements, les premiers matchs d'échauffement. Justement d'ailleurs le prochain match c'est vendredi contre l'Homme Lille au Palais des Sports d'Orléans. On en parlera avec Sabine au téléphone tout à l'heure, la présidente le Fleury Loiret Handball. Et puis, vous savez, la rentrée scolaire, on a entendu parler pas mal dans les infos. La pénurie des chauffeurs de bus. Eh ouais, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un fake? Non, c'est réel. Justement, on aura Pierrot au téléphone vers 8h30. Pierrot, qui fait partie des collectifs des pros du transport des voyageurs. 17 ans à son actif de bus. Il nous en parlera en direct ce matin sur Radio Arc-en-Ciel. Il arrive du Nord au téléphone. Ouais, il a fait de la route en bus en plus. 8h30, notre invité Pierrot, chauffeur de bus. Alors, la pénurie est-elle bien en ancrée? Est-ce qu'on va manquer de chauffeurs pour cette rentrée qui va démarrer dans quelques jours? Eh bien, les résultats tout à l'heure à la radio avec Pierrot. Belle journée sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Coucou à Lolita qui est connectée aussi du côté de la chapelle Saint-Méma. Salut Francky, belle journée à toi. Bah, belle journée les filles. Bah ouais, on est bien. 7h20 minutes du soleil aujourd'hui, je vous l'ai dit. Jusqu'à 30 degrés. Ça, c'est la très très bonne nouvelle. Et puis du son caliente avec Stromae. À ceux qui n'en ont pas.

journée et bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel avec The Avenger. Ça, c'est ce qu'il vous faut dans votre playlist le matin sous la douche. Hein, c'est ce que nous dit Jojo qui est connecté du côté de la chapelle Saint-Mémin encore. Ah ouais, du monde à la chapelle. Courage à vous si vous allez au taf. C'est peut-être la reprise aujourd'hui. On vous souhaite une belle journée et un bon réveil. Yo soy de la yeca, dile a tu novio que no se meta. Me ando con los tigueres a cuarta. Tengo todo y tengo la vaca. Las mujeres guapas, si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ, súbame la mano. Las mujeres guapas, si todas son bellas, son bellas. Mueve, mueve, mueve. avec le son Caliente, Alexis and Fido. Belle journée, courage à vous pour le taf, Joël, bon courage. La météo. Ouais, c'est un petit message personnel. Côté météo, aujourd'hui, le ciel est dégagé. Et les nuages vont partir hein, tout doucement dans la matinée. Les températures sont plutôt pas mal au réveil. 15-16 degrés. Et cet après-midi, ça va être encore mieux. Ciel bleu, quelques petits nuages, mais très timides. Jusqu'à 29, voire 30 degrés du côté de Olivet, Fleury-les-Aubrais, Saran. Ou encore la Motte-Beuvron. Justement, la Motte-Beuvron, on va en parler dans quelques minutes. Tout à l'heure, il sera notre invité Pascal des Nuits de Sologne sera là le 3 septembre, c'est le week-end qui approche avec la 17e édition des Nuits de Sologne. On sera en direct avec eux dans les studios tout à l'heure avec notre ami Pascal. Du son qui arrive et vous l'adorez, c'est Anita sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon petit-déj, courage à vous. Si vous êtes encore sous la douche, vous êtes peut-être à la bourre, bah ouais, dépêchez-vous. Voici le son Caliente et Anita. Dime cómo hacemos si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo para ti la combi completa, que no duró mucho soltera. Aprovechame. Chiste, y así con minuto ya va a venirte. Que tienes como para derretirte. Solo Dios sabe lo que me hiciste. Envolver, Anita, c'est le son Caliente du moment. C'est les bouchons, c'est la reprise. Monsieur Faria qui est avec nous au téléphone, il va nous en parler. Il est du côté de Paris. Allez, ça bouge, tut-tut, klaxonne. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Eh oui, et puis ça bouge, hein, Monsieur Faria qui est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Faria. Bonjour. Mandia, comment il va bien? Ça va, ça va. Dans les bouchons, c'est la reprise aujourd'hui? Voilà, c'est ça. Et en plus, du côté de Paris, alors là, ça va être l'enfer un peu, non? Voilà, c'est la merde. C'est la merde, comme tu dis. Tu t'es levé à quelle heure aujourd'hui pour aller au taf? 7h30 et déjà dans les bouchons. 4h30. Ah oui, je m'en voulais 7h30. J'ai dit, ça fait 10 minutes, t'es déjà à Paris, donc ça va vite, hein. Et alors, ça bouge beaucoup? T'es de quel côté à Paris, là? Bah, je vais à Champigny-sur-Marne, 94. Ah ouais, tu vas bosser là-haut. Et là, ça y est, ça commence à bouchonner, hein. Bah là, ça s'est bouchonné partout, ça roule pas. Ah ouais, t'es stoppé là, petit café peut-être, dans la voiture. Bah, y'a rien, je suis sur la site, tu vois, y'a rien. Et dans la voiture, fallait prévoir le truc à l'ancienne, là, le thermos, tu sais, avec le petit gobelet qui va bien dessus. Ok, j'attends que tu m'en feras. Bah, quand tu veux, moi, tu passes à la radio, le café, il est offert, bien sûr, mon ami Farléa. Ok. Bon bah plein de courage pour le boulot aujourd'hui mon ami du côté de Paris. Merci. Ouais. Merci. Allez bonne route. Allez, courage hein, ils sont prudents quand même. Belle journée à vous, vous pouvez nous appeler aussi 02-38-43-48-00, c'est le numéro du standard. On sera avec la présidente dans 20 minutes au téléphone, Sabine, qui va nous parler justement de la reprise du handball de Fleury-les-Aubrais. La présidente sera avec nous en direct vers 8h du mat. Belle journée, bon réveil, courage à tous. Si vous allez au taf ce matin, c'est pas facile, je sais, mais on est là pour vous donner le smile, le sourire, tout doucement ce matin. J'espère que tout se passe bien du côté d'Orléans, Pithiviers, Saint-Jean. Ouais, on est là. Le son Caliente du matin. No lembro do seu nome, mas foi de madrugada que rolou beijo e acordei na estrada. Não vai me dizer que tá todo arranhado. Eu não. Mas no bolso encontrei bilhete dobrado. Mas más eu não vou abrir. Cê tem que abrir. Eu não quero abrir. Cê vai abrir. E quando eu abrir, eu logo vi. Daqui a 9 meses volto aqui. Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Cê fala comigo. Me diz como é que eu vou fazer. Onde anda? Onde anda? Onde anda essa mulher? Me diz onde anda? Onde anda? Onde anda essa mulher? I didn't know that you were worried. Love him, my, sorry, my. Onde é o farão, baby? Me diz onde está, que eu vou te encontrar. Não importa o lugar, só com ele vou ao Paraná. No seu cabelo ouro me faz bem. Sorriso igual seu, ninguém mais tem. Entrei na sua vida pra te amar. Não sou mais um ladrão que só quer se enganar. Votre réveil matin, c'est Francky. I'm gonna wet this, let's get reckless. Make this might be the best trip. If I'm a set list, cannot forget this. Just take this girl and flex this. Boom flick, wanna pull and bless this. We not fed this girl, just let this energy come shock like electric. Yo, yo, yo. bossing. Music, music, them can't refuse it. Y'all are choose it, y'all are groove it. And we are make them shake them booties. All of me cuties, all of me rudies. In a dance hall, we are make these movies. International party animal. Let me tell you about who this do this. Bye, bye, ayo. Conseil Radio 96.2 FM, le meilleur de la journée avec vous, bien sûr, qui allait au taf ce matin, c'est ce que nous dit Pascal du côté de Saint-Privé, Saint-Mémin. La reprise ce matin, Francky, pour moi, est pas facile. Déjà des bouchons, bah oui, ça commence à bouchonner, ça y est, comme Monsieur Faria qui est parti sur Paris, on lui souhaite une très très bonne journée, vous aussi, côté petit-déj, peut-être café, chocolat, sous la douche encore, comme Joël aussi, qui est là, bah, merci la famille d'être aussi nombreux le matin, et puis le son qu'il vous faut pour bien vous réveiller, au petit-déj, comme ça, ça fait du bien, un petit peu de dance hall. Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Alright, et là vous vous dites, ça y est, j'ai des restes du week-end dans la peau. Ah oui, vous avez dansé là-dessus en club peut-être ce week-end. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, 7h49 minutes. Belle journée sous le soleil aujourd'hui, jusqu'à 30 degrés. Et ben justement, c'est l'heure de danser la kizomba comme ça, à deux dans la voiture hein, avec Al Army. Bon petit déj. That beautiful night, I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy, and I'm on my mind, cause all

ça fait du bien le matin pour vous réveiller. 8h en direct, Radio Conseil 96 FM. Merci d'être là tous les jours, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Notre premier invité du matin qui arrive, on l'accueille tout de suite au téléphone. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et on va faire un peu de sport ce matin, du handball, tiens, pourquoi pas, avec Sabine Guillien-Henrich, qui est la présidente Fleury Loiret Handball, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Sabine. Bonjour Francky. Ça va la forme ce matin? Oui, ça va. Bon. Bienvenue, et bonjour aux auditeurs surtout. Surtout, et puis, pas facile d'être là le matin à 8h, hein. C'est le réveil qui est plus compliqué. Hein. C'est ça. Bon, toi, tu surtout le lundi. Le lundi matin, mais nous, l'émission, c'est en 9h, c'est pas facile, c'est vrai, mais bon, c'est là que tout le monde est dans les voitures pour aller travailler, tout le monde est au taquet avec les radios le matin. Tout à fait, surtout que c'est la grande reprise. Eh ouais, la reprise, alors j'ai regardé un petit peu là, ça y est, Fleury-Loiret Handball a repris, il y a eu des matchs, il y a eu pas mal de choses quand même pour cette reprise. Tout à fait, il y a eu le tournoi ce week-end à Auxerre, ouais. C'est toujours un super tournoi bien organisé qui a permis aux filles de se préparer activement, parce que la saison démarre vendredi soir à domicile, donc ça y est, on est reparti, la saison est repartie. Après les vacances, ça y est, tout le monde en position pour pouvoir pallier à cette nouvelle saison qui arrive. Oui, une nouvelle saison, une saison parmi l'élite, hein, malgré la descente en D2. La D2 reste et fait partie intégrante de l'élite, et donc de l'élite professionnelle tout autant que la D1. Donc un beau challenge à venir pour les filles et les coachs cette saison. Et justement, c'est peut-être encore plus de motivation. Je parle pas de la descente, malheureusement, mais la motivation est toujours là, l'envie est bien ancrée chez vous. C'est quand on est dans le monde professionnel, et surtout pour les joueuses, oui, il y a l'objectif, et elles ont un super objectif évidemment de jouer la remontée cette saison. Et puis on a un groupe très jeune avec des jeunes du centre de formation qui sont maintenant et qui vont tenir les premiers rôles aux côtés j'allais dire d'anciennes qui vont asseoir cette stature. Mais oui, il y a toujours des objectifs, et puis dans le sport, c'est notre source d'intérêt, hein. C'est de se fixer des objectifs et puis de gagner des matchs et de remonter. Ça c'est la priorité. Donc justement, le rendez-vous à ne pas rater, comme tu le disais, c'est ce vendredi 2 à 20h45 au Palais des Sports d'Orient, les Panthères qui vont rencontrer l'homme Lille. Alors oui. C'est un gros match, vous les connaissez un petit peu, ces adversaires? Non, alors c'est pour nous, si le coach connaît évidemment l'ensemble des équipes, mais c'est un nouveau championnat, donc effectivement le premier match est primordial, parce que cette année en D2, il y a des grosses équipes, hein, beaucoup d'équipes qui sont prétendantes aussi à la montée. Donc oui, ça va être un championnat, la D2 est un championnat où ça tape fort à chaque match, hein, donc ça court beaucoup, donc effectivement beaucoup d'enjeux, et dès le premier match, il va falloir sortir les griffes. Et ouais, c'est ça, il va falloir sortir les griffes, et puis je suis sûr que vous allez les sortir, et ça va très bien se passer. Moi j'y crois vraiment, vraiment à fond. Hein. Alors ce match, il sera placé sous le signe de la solidarité, puisque les foulées roses d'Olivet seront mises à l'honneur. Oui, tout à fait, les foulées roses d'Olivet, nous sommes partenaires des foulées roses d'Olivet dans le cadre de notre programme Panthère Rose, avec l'Harmonie Mutuelle, ou dans le programme RSE. Nous avons voulu ce programme tourné vers les femmes. Et un des axes de ce programme est évidemment la lutte contre le cancer des seins. Et donc, bien évidemment, nous sommes associés avec les foulées roses. C'est important. Il faut venir marcher et courir pour la bonne cause. C'est ça. Il faut y aller. En tout cas, on vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses pour ce match de vendredi. On croise les doigts, Sabine. Avec, on espère une belle victoire. On vous attend nombreux. On a besoin du public. Eh oui. De la métropole orléanaise, mais aussi de l'ensemble du Loiret, pour soutenir le monde sportif de la métropole. C'est ça, donc rendez-vous ce vendredi, c'est à 20h45, c'est au Palais des Sports d'Orléans, Sabine. Tout à fait, on vous attend nombreux. Venez en rose, habillez-vous en rose et on va gagner. Merci Sabine pour ce témoignage et cette interview de bonheur. Pas facile, je sais. Très belle journée à tout le monde. Bonne journée, Sabine. Au revoir. En direct ce matin sur Radar Arc-en-Ciel avec Sabine Guillien-Henrich, la présidente du Fleury Loiret Handball. 8h05 avec du son qui arrive. Et là, Laura Pozzini. Ça, forcément, ça va rappeler des bons moments. Un bonjour à l'antenne. Appelle le 02 38 43 48 00. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et oui, et puis l'Italie est à l'honneur ce matin, 8h06. Avant de parler justement des Nuits de Soleil, Pascal qui est notre invité aujourd'hui, le 3 septembre, c'est ce week-end, la 17e édition, et bien on en parle dans 5 minutes. Marco se n'est andato et non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. Et un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me. Fuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Fotografia, hai gli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, tra i compiti d'inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai. Se con gli amici parlerai per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile dividere la vita di noi due, ti prego aspettami amore mio, ma illuderti non so, la solitudine tra noi, questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te, ti prego aspettami perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due, la solitudine tra noi, questo Arc-en-Ciel, 8h09 en direct ce matin, 96.2 FM avec le son l'Italie, ça fait du bien, elle est pas mal comme gonzesse quand même, c'est vrai, la solitude avec Laura Pozzini. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Eh ben, il y a du monde ce matin à la radio, après avoir accueilli Sabine Guillien-Henrich, la présidente du Fleury Handball, et eh bien on accueille Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Francky. Comment il va bien? Oh, il va très bien ce matin. Bon, ça va, t'habites à Olivet, t'habites pas trop loin? Non, c'est bon. Donc ça s'est bien fait le parcours Impeccable ouais, ce matin, rien à dire. Non, ça roule, ouais, ça roule. Ça roule bien. Bon, bah c'est bien. Alors pourquoi tu es venu? Ah, t'es pas venu parce que c'est allumé, mais tu es venu parce que les Nuits de Soleil, le spectacle pyrotechnique, c'est ce week-end. Eh oui, c'est samedi prochain. Eh, je regardais la 17e édition. Ah, ça commence à faire, hein. On a démarré en 2004. Et t'es à l'origine aussi, toi? Ah, j'ai participé à l'origine, tout à fait. Ouais. Ça va être impressionnant quand même d'organiser un tel événement à la Motte Beuvron. Ah, c'est impressionnant. C'est vrai qu'au milieu de la Sologne, je crois que c'est le plus gros événement. C'est celui qui accueille le plus de spectateurs un seul soir. Ouais, ça ramène combien de peuples, de populace, tout ça? Alors, ça amène, on va dire, pas loin de 20 000 personnes chaque année. Ouais. Hein, et on a fait des petites statistiques des gens qui viennent de plus de 60 départements français. Ah oui, donc on n'a pas que Orléans, Loire. On n'a pas que le local. Non. Et ça fait du monde. Et ça va être compliqué à gérer tout ça quand même. Non, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la 17e édition, donc voilà, on commence à savoir faire. Vous savez, la première, c'était en quelle année? C'était 2004, avec 2004. Aladdin. Aladdin, voilà. En tout cas, un beau parcours. Hein. S'il y en a 17, c'est que ça fonctionne. Tout à fait. Avec le Covid, ça a été compliqué, il n'y en a pas eu, je suppose. Alors là, c'était très compliqué. Ça, c'était 2 ans sans rien faire. Ça fait pratiquement 3 ans sans voir les bénévoles, puisque les bénévoles, c'est l'ossature de l'association qui organise le spectacle. Mmh. Et justement, est-ce que par rapport à ça, les bénévoles ne sont pas écartés? Ils sont restés fidèles au poste? Alors, on a eu la grosse majorité restée très fidèle au poste. Mmh. Et on a eu la grande chance, depuis le début de l'année, de retrouver une bonne centaine de nouveaux bénévoles. Voilà. Et bah, tant mieux. Et puis on les salue, nos amis bénévoles, il en faut, hein, justement, c'est bien d'être bénévole après le boulot, un petit peu de plus. Hein. Tout à fait, et sans eux, de toute façon, on ne pourrait rien faire. Voilà, exactement, et ça, on les salue du fond du cœur. Alors, la Nuit de Sologne, c'est ce week-end, c'est samedi 3 septembre. On va parler un petit peu du programme, si tu veux bien, Pascal. Je l'ai sous les yeux, comme toi d'ailleurs, tu m'as amené les petits dépliants, justement, ça me fait plaisir. Alors, ça va démarrer à quelle heure, ce beau programme? Alors, l'ouverture du site est à 17h. Donc, les gens arrivent sur un site qui fait quand même plusieurs dizaines d'hectares. Mmh. Donc, ils ont à leur disposition tout ce qu'il faut pour se restaurer, pour se désaltérer. Il y a 6 groupes musicaux qui déambulent sur la prairie, hein, pour mettre un petit peu d'animation. Il y a des comédiens. Il y a tout ce qu'il faut pour attendre la première partie musicale qui a lieu vers 20h. Ouais. Et donc là, cette année, c'est le groupe Soul Latitude qui viendra sur scène animer pendant à peu près une heure. Ouais. Voilà. Donc ça va être côté musique. Voilà, tout à fait. Disons que tout ce qu'on dit, c'est en attendant la nuit, parce que vous savez que les pyrotechniques aiment bien la nuit. C'est ça. En général, c'est plus joli la nuit quand même. On voit mieux, Alors, j'espère pour vous, parce que je regardais un peu le ciel, j'espère que la pluie ne sera pas de rigueur. Alors, écoutez, nous, on regarde pas la météo. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait... Moi, je te dis ça parce que je l'ai eu sous les yeux ce matin, quand j'ai ouvert l'émission. Je regardais la météo de la semaine et je pensais à toi. Je sais pas pourquoi. Bon, nous, on a déjà fait 16 éditions. On n'a jamais eu la pluie pendant le spectacle. Oh, bah, c'est bon, on l'a eu avant, après, mais jamais pendant. Donc, venez nombreux nous rejoindre là-haut samedi soir à partir de 17h. Alors, de la musique, on peut se restaurer, plein de choses. Et puis, ce spectacle pyrotechnique, alors ça se passe comment en fin de compte, il y a 2 spectacles. D'accord. Ça, c'est notre modèle, le modèle des Nuits de Sologne. Mmh. Vers 21h30, on a le premier spectacle qui dure 40-45 minutes, qui est un conte, c'est une histoire qui est racontée. L'île au trésor. Cette année, c'est l'île au trésor, c'est celui qui donne le nom du spectacle de l'année. Et qui n'a pas vu ça à la télé? Ah voilà, Stevenson, tout ça. Donc c'est une très belle histoire, les gens apprécient en général. Ensuite, donc ça dure 40-45 minutes. Ensuite, quand même. On a un entracte. Donc la longueur de l'entracte, je le précise parce que souvent j'ai des questions, on dépend à la fois de la météo. Mmh. S'il fait chaud, on le laisse durer un petit peu, s'il fait plus froid, on le raccourcit. Ouais. Et la durée nécessaire à nos artificiers pour contrôler que tout est en place pour le deuxième spectacle qui suit derrière. Oui, parce que derrière, il y a toute une logistique. Tout à fait, tout à fait. Il y a du monde sur place. Disons qu'avec les techniciens et les artificiers, la sécurité, on doit être pour l'un de 400 sur le site. Ah oui, quand même, ça fait du monde. Et est-ce qu'on arrive à coordonner tout ça, le récit, la pyrotechnie? Bien sûr, alors ça c'est Il y a des couacs ou pas, des fois? Mais non. Non, mais je demande, c'est une question. Il peut y avoir des couacs, c'est sûr. C'est sûr. Le point fort des Nuits de Sologne, par rapport à ceux qui ont l'habitude de voir des spectacles pyrotechniques ou ce qu'on appelle des feux d'artifice, c'est la synchronisation entre la voix, la musique, la lumière et la pyrotechnie. Et c'est là que tout est beau, parce que tout est bien synchronisé, quand tout est bien raconté. Et ben ça prend les tripes. Alors on l'a en lumière, on l'a en image, on a tout. C'est ça qui est super. Beau, je trouve. C'est ce que je dis, ça prend les tripes obligatoirement. Mais moi qui suis depuis l'origine, quand c'est bien fait, et c'est toujours bien fait aux Nuits de Sologne, ça prend les tripes. Et alors, on peut encore s'inscrire ou pas? Ah, bien sûr, jusqu'au dernier jour. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vise 20 000 spectateurs cette année et que le site peut l'accueillir 30 000, vous voyez, donc il y a de la marge. Et moi, je regarde un peu les festivals un peu partout. J'ai l'impression que tous les festivals cette année cartonnent, entre guillemets, parce que y a eu le Covid. Les gens n'ont pas été l'année dernière, l'année d'avant, et là, j'ai l'impression qu'ils se rattrapent un petit peu. Alors, pour l'instant, nous, la billetterie, on peut pas dire qu'elle cartonne. Elle est normale. Comme d'hab. Donc, on attend cette semaine Parce que, comme tu le dis, a priori, les gens attendent le dernier moment pour réserver. Et souvent, c'est ça. Voilà, donc on va voir. De toute façon, qu'il y ait, on va dire, 18 000, 20 000 ou 30 000 personnes, on fera même spectacle avec la même qualité. Bah oui, heureusement. 5 000, on fait moins, sinon 10 000 plus. Non. C'est pareil pour... C'est pas notre genre. Ouais, ça, c'est un beau programme. Alors, la pyrotechnique, ça va durer jusqu'à quelle heure? Alors, on va dire que le spectacle dure à peu près jusqu'à 23h15, 23h30. Mmh. Bon, après, nous, ce que l'on dit aux gens, c'est quand même 20 000 personnes qui partent du cœur de la Sologne, ça fait du monde. Ouais. Donc, on dit, soyez patients, restez sur place, passez une petite heure. Ouais. On garde des musiques sur place, on garde les buvettes ouvertes, on garde les commerces ouverts. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut pour patienter tranquille et vous gagnerez du temps à la sortie. Voilà, parce que si tout le monde part en même temps, ça bouchonne. Ça va faire un plit-plit, ça va bouchonner un petit peu. Tout à fait. En tout cas, un bel événement. On vous le rappelle, c'est samedi, à partir de 17h, les Nuits de Sologne, c'est la 17e édition. Pascal est là pour nous en parler, justement, ce matin. Et cette année, c'est l'île au trésor. Alors, on va rencontrer une belle histoire, et avec ça, bah, les feux d'artifice, la pyrotechnique sera là pour enflammer le ciel, justement, vous en aurez plein la tête, plein les oreilles, plein les yeux, et c'est formidable, c'est pour tout public de toute façon. Ah, c'est très très familial hein, notre spectacle, hein. Tout public, tout à fait. Hein. Alors par contre, un petit bémol, nous on déconseille pour les enfants de moins de 5 ans, pour un problème de bruit bien sûr, parce que ça détonne. Bah oui, donc les petits bébés, bah oui. Voilà, ou alors prendre des casques. Des casques, ou des bouchons d'oreilles. Ou des bouchons d'oreilles, voilà, mais être prudent avec les jeunes enfants. Ouais. En tout cas, un bel événement, vous êtes combien de bénévoles à organiser tout ça? On est environ, cette année, on est environ 300. 300, ah oui, ça fait du... Bénévoles, plus les techniciens, plus les artificiers, plus tout le monde de la sécurité, parce qu'on a beaucoup de sécurité, bien sûr, sur ce genre d'événement. Comment est venue l'idée de l'île au trésor? L'idée cette année de l'île au trésor, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est 3-4 personnes à décider du spectacle pour l'année qui suit. Ouais. Donc là, je vais pas dévoiler le spectacle 2023, mais il est bien sûr déjà trouvé. C'est quoi? Et c'est vous le saurez samedi soir si tu viens. Ah, tu le samedi, sauras. Et donc on a une liste. Ce qu'on veut chez les Nuits de Sologne, c'est que les gens, on a vraiment des habitués qui viennent chaque année. Mmh. C'est quand ils viennent une année, ils sont sûrs de trouver quelque chose d'autre qu'ils ont vu dans les années précédentes. Ouais. Donc que ça soit sur le thème, que ça soit sur le spectacle, sur les feux, sur les musiques, voilà, faut que ça soit du renouveau chaque année. Ouais. Alors chaque année, alors 17 ans déjà, vous avez des habitués. Alors tous les ans, on voit des gens. Ah, l'année dernière c'était bien, on vient cette année parce que. Et ça, c'est merveilleux, ça. Tout à fait. On a des familles qui viennent avec les plaids, qui s'installent dès 17h, qui sortent les glacières, qui sortent les jeux de société, et ils s'installent en écoutant la musique, et c'est joyeux, et c'est ce que l'on veut. Et voilà, c'est ce que vous voulez. On vous rappelle cette date. Il reste des places, si vous voulez, n'hésitez pas. Et le jour même aussi, on pourra en acheter sur place. Alors, pas sur place, mais à partir des smartphones et autres, puisque c'est sur Internet, bien sûr. Ouais. Voilà. Avoir votre billet en ligne, n'hésitez pas. On a un lien, le lien, tu le connais? www.nuitdesologne.com. Voilà. www.nuitdesologne.com. Sur Internet, vous tapez ça et allez, n'hésitez pas ce week-end. Tiens, un bel événement, hein, à passer en famille. Les Nuits de Sologne, c'est à la Motte Beuvron. C'est samedi et ça démarre à 17h. Pascal, je vais te laisser t'es tout seul, t'es avec moi. Donc, le mot de la fin. Eh ben, je vous remercie. Je vous espère très, très nombreux pour fêter, une soirée que l'on veut et qui sera exceptionnelle avec vous tous. Voilà. Merci Pascal d'avoir été notre invité ce matin. Merci Francky. En direct sur Radio Arc-en-Ciel, je vous rappelle cette date, les Nuits de Sologne, c'est ce samedi, c'est le 3 septembre et cette année, l'île au trésor, vous allez en prendre plein les yeux, plein la tête et là, vous allez bien dormir, moi je pense, le samedi soir après. Voilà. Merci mon ami. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous sur Radio Arc-en-Ciel, 8h19 avec Gims. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle est même.

7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée, des cendriers tous renversés. Des heures passées devant la mire de ma télé. Des nuits sans dormir à me demander où tu peux bien aller. C'est 8h35 en direct sur la région d'Orléans, Blois, Tours. Vous nous écoutez aussi sur le net, radioarc-en-ciel.fr. Merci d'être aussi nombreux tous les matins après avoir reçu Sabine Guélien, la présidente du Loiret Handball, après avoir reçu aussi notre ami Pascal pour les Nuits de Sologne et bien notre troisième invité qui arrive en direct à 8h35 au téléphone. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Parlons de choses sérieuses le matin. Beaucoup d'articles en ce moment sur les télés, sur les journaux, sur la pénurie des chauffeurs de bus. Alors, est-ce vraiment la réalité? On va accueillir Pierrot qui est avec nous au téléphone. Bonjour Pierrot. Oui, bonjour à la radio, bonjour à toute l'équipe et merci de nous écouter. Enfin, je dirais enfin, enfin. Quelqu'un qui nous écoute. Eh bien, enfin. Et Pierrot en plus de Haute-Savoie. Absolument. Il fait beau là-haut en ce moment. Là, je regarde par la fenêtre, j'ai un grand ciel bleu. Ouais, c'est agréable. Grand ciel bleu sur les montagnes, oui, très agréable. Alors Pierrot, chauffeur de bus, 17 ans du collectif professionnel du transport des voyageurs. Oui. Alors, on parle de pénurie en ce moment. Alors, beaucoup d'articles passent sur les réseaux sociaux, dans la télé, etc. On en parle. Est-ce que vraiment, là, en plus, la rentrée scolaire approche là dans quelques jours, est-ce qu'il y a vraiment, ou il va y avoir vraiment une pénurie de chauffeurs de bus, Pierrot, sur le scolaire? Oui, il va y en avoir. Mmh. Et il va en manquer même de plus en plus. Donc, mais il y a pour ça de multiples raisons. Mmh. Donc, on m'a dit hors antenne que de ne pas hésiter à balancer, c'est ça? Oui, on peut balancer sans donner des noms. Mais alors, pourquoi? Alors, est-ce que c'est toutes les régions qui vont être touchées ou alors c'est ciblé, Pierrot? Non, non, c'est toute la France toute la qui va France. Être touchée. Mmh. Alors, et le problème remonte de la période Covid. Ah oui, départ. D'accord. Parce que malgré le quoi qu'il en coûte, on a donné des dizaines de milliards pour aider entre autres des sociétés comme Air France et comme ou Renault, etc. Oui. Et le monde de l'autocar a été le grand oublié de la crise. Alors pourquoi? Parce que déjà nos patrons. Je vais parler aussi un peu pour les petits patrons. Les petits. Les petits patrons. On commence par les petits. Du tout. C'est pour ça qu'au départ nous avions monté ce collectif. Il y a d'ailleurs eu plusieurs manifs à Paris pour essayer d'obtenir de l'aide pour les petits patrons. Qui n'ont rien eu. C'est pas facile pour eux. Hein. Voilà. Et pour nous, conducteurs, on a perdu énormément aussi dans cette crise Covid avec le chômage partiel. Oui. Parce qu'il était basé sur le salaire de base net. Ouais. Donc toutes nos primes et nos heures sup. On supprime. C'est forcément passé à la trappe. Eh oui. Donc, baisse de salaire. Un conducteur de tourisme, en général, au niveau national, a perdu entre 800 et 1000 euros par mois. Ah, c'est impressionnant. C'est quasiment plus de 50% du salaire, ça, dis donc. Ouais, absolument. Ouais. Alors, la pénurie qui arrive, malheureusement, en France, là, pour la rentrée scolaire, les familles s'inquiètent. Quelles sont aujourd'hui, pour toi, Pierrot, les solutions, s'il devait y avoir solution pour remédier à ce problème? Alors la solution pourrait venir de paroles qui ont été prononcées sur une chaîne de grande écoute, le 26 mai au matin, où la FNTV, la Fédération nationale des transports voyageurs, qui est le plus gros groupement d'employeurs, a déclaré qu'un conducteur en scolaire gagnait entre 12 et 13 euros de l'heure. D'accord. Quand je regarde la grille conventionnelle, oui, les conducteurs scolaires font entre 10,55 et 10,82 bruts. Ah, oui, c'est faible. Ils sont où les 3 euros d'écart? Il en manque. Alors... Voilà. Après, on prend moi qui suis conducteur de tourisme, avec 17 ans d'expérience, je suis en brut à 11,56. D'accord. Avec une petite prime quand on roule le dimanche, pas une majoration horaire, une petite prime de 40 euros quand on roule le dimanche. Mmh. Avec nos paniers repas à 8,57 €, je vois pas comment on peut manger avec 8,57 €. C'est faible. Et nos attentes qui ne sont payées qu'à 50%. Ah oui, d'accord, ouais, quand même. Ouais. Bon. Donc. Mais tout ça, au départ, ça a une cause, qui est la guerre des prix. Mais oui. Parce que ça fait des années que les organisateurs, conseil général, etc., tirent les appels d'offres vers le bas. Ce qui bénéficie aux grands groupes comme Transdev, Keolis, etc. Et les petits patrons, ils tirent la langue. Ils ne peuvent pas suivre. Ils ne peuvent pas suivre parce qu'on ne peut pas s'aligner avec des grands groupes, malheureusement, c'est ça? Voilà. Le sujet. Donc il faut arrêter de tirer les tarifs vers le bas pour que les petits patrons puissent s'y retrouver et nous donner les quelques centimes de l'heure qui nous manquent en plus. Ce qu'il faudrait, c'est se synchroniser sur un tarif, un même tarif, je veux dire, que ce soit les grands, les petits, qu'après on puisse choisir le meilleur ou la meilleure société, mais sur les mêmes tarifs. Voilà. Et ensuite, au niveau de la pénurie la pénurie de conducteurs, je vais prévenir les parents tout de suite. Oui. Vous risquez d'avoir des très grosses surprises à la rentrée. C'est-à-dire que les chauffeurs ne seront pas tous là. Il y a un accord qui a été passé en catimini la semaine dernière entre le gouvernement et la FNTV qui autorise, et tenez-vous bien, qui autorise le permis en conduite accompagnée pour les 16 ans. Ah oui, d'accord. Ce qui fait que vous allez retrouver des gamins de 16 ans, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une ex-femme qui va être au volant d'un car. D'accord. En conduite accompagnée. Ah, c'est clair. Ouais, ça devient compliqué, là, on va dire, hein, mon Pierrot. Et tout ça pour continuer de tirer nos tarifs vers le bas. Donc là, forcément, la rentrée scolaire approche dans quelques jours. Il y aura peut-être des lieux, des endroits qui ne seront pas desservis par les bus au ramassage scolaire, Pierrot. C'est fort possible qu'il y ait qu'il y ait certains services qui ne soient pas desservis. Alors, il va falloir trouver des solutions aujourd'hui pour ça. Ben, la solution, c'est augmenter notre horaire. Et les conducteurs arrêteront de partir vers la marchandise et resteront au volant du car. Ouais, c'est compliqué aujourd'hui, hein, ça va être compliqué. Et j'espère que les solutions vont être trouvées, Pierrot. Ben nous on est dans notre collectif, il y a deux mouvances. Il y a une mouvance plutôt douce, qui prône la méthode douce, et une autre mouvance à laquelle je suis, qui est prête à partir au conflit. Tout simplement. Ouais, il y a des rassemblements, des manifs qui sont prévus ces prochains jours. On avait quelque chose de prévu le 29. Mmh. Malheureusement, qui n'a pas pu se faire parce qu'à cause des vacances, les gens n'ont pas été prévenus. Ah oui. Il y a une autre action qui est prévue au mois de novembre que pour l'instant je garderai secret parce qu'on essaye de pas trop l'ébruiter actuellement. Mmh. Et par contre, moi, je suis partisan d'une chose qui ne s'est jamais faite dans le monde de l'autocar, c'est partir à la grève. Jamais, jamais, en 17 ans de carrière de chauffeur de bus, jamais. Il y a eu, certes, des petits conflits en interne dans certaines sociétés, mais au niveau un conflit national des conducteurs de car, ça n'est jamais arrivé. C'est vrai, j'en ai jamais vu à la télé des conflits nationaux, ouais, c'est vrai. Et là, moi, perso, je suis partant pour ça, je suis partant pour une grève dure, pour essayer de faire comprendre aux organisateurs que il faut faire changer les choses, quoi. Il va falloir, parce que ça va toucher les parents, hein, malheureusement. Après, s'il n'y a pas de bus, il y en a qui pourront pas aller au collège, au lycée ou à l'école, et ça va créer des soucis dans l'organisation des plannings. Après, c'est pas forcément de leur faute, mais bon, après, c'est vrai que vous avez besoin aussi de travailler, Pierrot, parce que là, ce qu'ils vont faire, on l'a compris, nous, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regrouper les services scolaires, c'est-à-dire qu'un conducteur, il va se taper 2, 3, voire 4 services scolaires le matin et ou dans le soir. Ah ouais, au lieu de combien, t'en fais combien, en principe? Au lieu d'un ou deux. Ah oui, d'accord, donc tout va être regroupé. Pour compenser le manque. Donc les gars vont être obligés de rouler plus vite, prendre plus de risques sur les routes. Dangereux, ça. Pour arriver à faire la charge de travail qu'on leur a donnée, qu'on leur demande. Ouais. Avec tout ce que ça comporte derrière. En tout cas, ouais. Bon, Pierrot, en tout cas, on est solidaires. On espère qu'il y aura des solutions qui vont être trouvées dans les semaines qui arrivent, même avant, parce que la rentrée c'est proche, hein, c'est dans la semaine là. On c'est espère. Jeudi, oui. Ouais, ça va être compliqué peut-être de trouver des solutions avant jeudi. Mais en tout cas, moi, je vous remercie de nous avoir écoutés, parce que vous êtes les seuls. Vous êtes les seuls à nous avoir donné la parole jusqu'à maintenant. On est là pour ça. Et pourtant, depuis le 26 mai, on essaye. Mmh. On appelle partout, on envoie des mails et on n'a aucune réponse de personne. Ça intéresse pas, peut-être. Mais il va falloir que ça intéresse, parce que ceux qui vont être touchés, malheureusement, c'est les parents. Hein, les parents qui... Voilà, donc au nom de tous mes collègues, déjà, je tiens à nous excuser pour s'il y a des désagréments au niveau de la rentrée. C'est totalement pas de notre faute. C'est à voir avec la FNTV et le gouvernement. Merci Pierrot pour ce témoignage ce matin de la rentrée scolaire qui approche à grands pas. Alors merci pour tout et bonne rentrée à tous et à toutes. Merci mon Pierrot. Je t'appelle Pierrot, ça ne dérange pas. Ah, du tout. Belle journée à toi, je te reprends en antenne, ne quitte pas. Belle journée. Tout de suite. Merci. En direct ce matin avec ce témoignage.

Às vezes uma segunda-feira só precisa da banda sonora certa, não é? Para começarmos a semana logo com outra energia, com outra disposição. E pelo menos é o que eu tento fazer aqui na RTP Internacional. E se não vai lá pela música, eu diria que vai lá pelo humor. Porque o Portugalex eu diria que é melhor que café. Repetições Portugalex. Continua na ordem do dia a lei dos metadados, ou seja, os dados sobre chamadas e ligações à internet de todos os cidadãos que as operadoras devem guardar por um ano para poderem ser usados em eventuais investigações criminais. O seu armazenamento foi declarado inconstitucional e há quem diga que foi só para tramar o primeiro-ministro, que não consegue dizer esta palavra. Inconstitucional. Enfim, vocês sabem. O nosso especialista em informática e tudo que meta botões, professor Cavaco Silva, já comentou o assunto. Eu posso dar alguns conselhos para os ouvintes do Portugalex não serem espiados pelas operadoras, nem pelo Fernando Medina, que gosta de mandar dar...